Samedi 15 décembre, 20h. Ne manquez pas le grand retour de Maximar de Dolbeau-Mistassini, alors que le multiconcessionnaire reçoit la visite du MGR Express de Saguenay. N'oubliez pas vos denrées non périssables pour les plus démunis. Prix d'entrée seulement 8$. Du hockey de haut calibre, avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! C'est le commentaire de malade, notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil! Bonjour, Danny. Phil, j'ai parlé avec Gilles Courteau dans une entrevue que je vais mettre en ligne la semaine prochaine. Je l'ai faite après-midi. Et dans un ton, tu sais, il y a toujours là, ce qu'il dit, puis le ton aussi. Hein. Puis le ton était très ferme. Pas question de statu quo. S'il n'y a pas de nouvel amphithéâtre, il devrait y avoir des rénovations majeures au Centre Georges Vézina. Ça dit quoi, ça? Ben, écoutez, si vous avez lu l'article cette semaine de Dave Hensley, ouais, un journal Le Quotidien, où il a parlé à Mme José Néron, la mairesse de la ville, qui a dit « Les citoyens auront un choix à faire entre deux solutions. » Et les solutions, c'était rénover le centre Vézina ou un nouvel amphithéâtre neuf. Donc, à partir de là, pour moi, c'est nouveau, ça. Moi, j'avais pensé au départ, est-ce que vous allez être d'accord avec un aréna neuf ou pas? Mm. Et là, j'ai l'impression que ça va devant le public pour dire aux gens, on fait quoi? Est-ce qu'on a un aréna neuf où on va rénover? Moi, on me dit que prochainement, la Ville devra investir plusieurs millions de dollars dans le centre Vézina pour refaire les égouts, refaire également toute l'électricité de la bâtisse parce qu'il est à bout de vie. Donc, on parle de plusieurs millions de dollars juste pour rénover là. Et ça, si tu demeures un vieil amphithéâtre. Tout le monde connaît mon opinion là-dessus. Moi, je suis favorable à un amphithéâtre. Mais les égouts, c'était pas nouveau. C'était nouveau, ça fait ça, les égouts. C'était pas la toiture, à un moment donné, puis c'était pas... La toiture, on a dit qu'on a... Les aménagements qu'on a fait l'an passé fait que les toitures sont sécuritaires au moment où on se parle, OK? Mmh. Ouais. Je suis pas un spécialiste de bâtisse, là, puis toi non plus, Danny, donc on n'est pas en mesure. On est plutôt spécialiste, là. Ouais. Ces gens-là, oui. Mais ça, là, semble-t-il qu'effectivement, il y a des refoulements d'égouts. L'électricité, ça, c'est pas nouveau, ça. Mm. Je peux vous dire qu'on a acheté un set de lumière il y a plusieurs années pour avoir un meilleur éclairage dans le Vézina parce qu'il est très désuet. Et je peux vous dire que ce set de lumière-là, il est dans les bois. Ouais. Pour une raison, on n'est pas capable de l'installer au centre Vézina. Il n'y a pas donc, c'est très clair qu'il est rendu à bout de vie, là. Puis quand tu vas en dessous des estrades, moi, je me rappelle très bien un reportage que Jean-François Tremblay a fait à TVA, où on nous démontrait tout ce qui où étaient les machines, puis où les fournaises, où étaient également le système de réfrigération. Tout ça, là, c'est vraiment passé date. Donc, il faudra absolument, de ce côté-là, rénover. Mais ça, écoutez, c'est pas moi avant ça. Mais... La mairesse, elle, a dit que les citoyens auront un choix à faire. Et dans son plaidoyer qu'elle a fait à Dave Hensley, il y a deux choix. On met des millions dans le centre Vézina pour le rénover. On parlait de 25 à 30 millions à un certain moment, il y a quelques années. Ou... Ouais. Ça a monté depuis ce temps-là. Là. Ben, comme moi, la construction, ça monte tout le temps. Là. 5% par année. Exact. Ou bien un amphithéâtre tout totalement neuf, avec l'autogare inclus et tout. Donc, ça va être à la mairesse à faire la preuve avec les citoyens quel est l'avantage d'avoir un nouvel amphithéâtre neuf au centre-ville ou bien rénover le centre Vézina. Et à partir de là, les gens auront un choix à faire. Il est clair que les gouvernements, et surtout que là, les caquistes au pouvoir, on a une ministre à Chicoutimi, on a un député dans Dubuc. On a deux députés au Lac-Saint-Jean. C'est pas l'aréna d'une seule ville, là. Non, non, non. Amphithéâtre, là, pour des spectacles, pour bien des choses, c'est pour toute la région au complet. Donc, à ce moment-là, je pense que le gouvernement va être favorable. Au fédéral, écoutez, il y a des élections dans la prochaine année qui s'en viennent, là. Mm. Ça va être sûrement un sujet pour la prochaine élection, là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, à partir de ce moment-là, les as sont alignés pour avoir de bonnes subventions. Mais à partir de ce moment-là, je pense que Mme Néron et le conseil de ville prennent une décision de dire « On profite-tu de tout ce qui se passe actuellement pour y aller? » Deux, Danny, tu sais comme moi que la nouvelle mode actuellement, c'est de nommer les amphithéâtres avec des commanditaires majeurs. Ben oui. Ça, là, c'est la nouvelle mode, puis c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est beau, le centre Vézina, puis Georges Vézina, puis tout ça, c'est tout beau. Sauf que demain matin... Là, tout le monde parle de Rio Tinto, je te donne un exemple, où Desjardins décide de dire, oui, parfait, on porte un nom d'amphithéâtre, comme il y a à Shawinigan, comme il y a à Sherbrooke, comme il y avait des endroits. Tu dis, oh, parfait, vous êtes prêt à mettre 100 000 par année pendant 10 ans, 1 million, on y va, donc on a un commanditaire majeur pour ces choses-là. Donc, il y a toutes sortes d'avenues et de possibilités qui se présentent pour les prochains mois et les prochaines années. Puis moi, je pense que les astres sont alignés pour avoir quelque chose de nouveau à Saguenay. Courtois, là, puis il a raison sur un point. Ouais. C'est pas statu quo pour une raison, Danny. Puis je vais te donner un exemple rapide. Exemple à Sherbrooke, quand on a fait des rénovations il y a 6-7 ans, quand les castors sont revenus, on a fait 35 loges corporatives autour de l'amphithéâtre. Ouais. 35 loges corporatives à 12 000 $ ça rapporte 500 000, un demi-million. À Chicoutimi, là, il y en a à peu près 10 qui rapportent 150 000 au lieu d'un demi-million. C'est 350 000 de plus pour l'équipe. C'est ce que ça coûte à la ville pour avoir un club junior. Un nouvel amphithéâtre, la ville vient de sauver 300-400 000 parce que les loges vont payer ce qu'en réalité ça coûte un peu à la ville. Ouais. Et tous ces avenues-là qui ont une opportunité. Puis maintenant aussi, et M. Courteau l'autre soir dans un 5 à 7 qui était au Centre Vézina avec des commanditaires des Saguenayens, a dit clairement, maintenant le hockey n'est pas seulement qu'un match de hockey, c'est un événement couru pour une famille, pour des individus, un genre de happening, une occasion d'aller à un événement. Et l'événement, il faut qu'il soit organisé à tous les niveaux. Tableau indicateur, les systèmes de son, la restauration. Il y a toutes sortes d'événements qui font qu'autour, tu vas là, puis les gens consomment des choses, puis font vivre également la bâtisse. Mais Phil, moi, ce qui m'énerve, puis je l'ai dit à M. Courteau, j'ai dit là, on s'en va en consultation publique. Puis quand on s'en va en consultation publique, Phil, tu sais très bien ce qui va arriver. Là. Il va y avoir du monde qui vont faire de la démagogie. Puis là, ça va partir. Puis, mais je suis pas sûr qu'elle va aller à un référendum, moi. Ouais. Moi, je pense que elle peut faire un fonds au public. Un référendum, ça va coûter énormément d'argent. Moi, je pense que... Puis je le répète, puis je le dis depuis le début. Moi, je pense que c'est un dossier vraiment de la mairesse qui est en place. C'est pas... Les chemins de quartier, oui, il pense à ses citoyens, il pense à son secteur, il pense aux taxes de ses citoyens, tout d'accord. Mais un événement majeur comme ça, je pense que c'est un gros dossier. Quelle est celle personne qui se met la tête sur la bûche pour la prochaine élection? C'est vraiment, vraiment, vraiment la mairesse, là. Parce que c'est pas le chevet d'Abbé puis le chevet de Jonquière qui va avoir la tête sur la bûche avec cet événement-là. Là. Parce que là, il va y avoir un comité, tu sais, pour la relocalisation, Jonquière contre Chicoutimi, tu diras... C'est sûr. Puis plus c'est ça va retarder, puis plus ça va niaiser, puis plus ça va... Prenons-le... Ça dépend toujours comment va être présenté le projet et qui va s'impliquer. Moi, je pense qu'il n'y a pas juste Mme Néron qui va être impliquée là-dedans. Il faut qu'il y ait des gens d'affaires qui soient impliqués. Il y a des gens du milieu qui doivent être impliqués. L'organisation des Saguenayens doit être impliquée. Il y a beaucoup de monde dans le secteur qui doivent également se mettre l'eau à l'épaule à la roue puis dire voici pourquoi et voilà les raisons et voici de quelle façon. Je vais donner un exemple, Dali, très concret. On veut présenter des fois des spectacles à grand déploiement avec des artistes intéressants dans des amphithéâtres. Le Centre Vézina, là, il n'est pas équipé pour recevoir ça. La Division Saguenay, on en a fait un l'année passée avec Styx. Ça a coûté tellement cher pour installer les systèmes de son, l'éclairage et tout ce que tu voudras parce que le Centre Vézina n'est pas équipé pour faire ça. C'est rendu au bout. Malgré que tu as eu près de 4000 personnes, tu n'as pas fait d'argent. Mais non. Tu as fait juste tes frais. Pourquoi? Parce que l'organisation n'est pas là. Puis on n'a pas les installations nécessaires. Écoute, si tu veux venir le cycle du soleil, comme ils sont venus il y a plusieurs années, maintenant, ils ne peuvent plus, parce qu'ils ne peuvent pas, à cause des installations du Centre Vézina. Tu avais un nouvel amphithéâtre. C'est sûr que tout va être prévu dans cette nouvelle amphithéâtre-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. J'ai hâte de voir. En tout cas, j'ai très hâte de voir. Mais ça va être un dossier qui va faire parler les gens, il n'y a aucun doute. Oui, en 2019. Phil, on va-tu au baseball en 2020? Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que moi, je pense que l'opportunité est là. Ouais. L'ouverture. La mairesse est ouverte. Les hommes d'affaires sont ouverts. Le baseball majeur est ouvert. Il y a une possibilité également. Il y a des déceptions au niveau de la Floride. Ouais. Donc, il y a des opportunités qui s'ouvrent actuellement que le baseball majeur à Montréal. Et en plus, le grand patron du baseball majeur, il est ouvert à l'idée de dire qu'à Montréal, on va revenir au baseball majeur. Moi, je pense que les astres sont alignés. Il faut embarquer dans le train puis de réaliser le plus rapidement possible. C'est toute la différence avec Québec, malheureusement. Puis c'est deux projets totalement différents. T'as Gary Bettman et les commissaires, les commissaires, mais les gouverneurs qui sont pas chauds à l'idée. Puis il y a une affaire aussi que personne ne parle. On en parle très peu. Jeff Molson, ce qu'il dit en public. Ah, dit, oui, oui. Moi, Danny, je partage ton avis à 100%. Est-ce que le Canadien est intéressé à avoir un joueur de plus dans ses plates-bandes? Je suis loin d'être sûr, là. Ben non. Je suis loin d'être sûr. Puis il n'est pas pour le dire publiquement. Clair. Et deuxièmement, Phil, je ne suis pas sûr que PKP, ça l'intéresse encore, les Nordiques. Ça, là, la question. PKP, là, je pense qu'avec TVA Sport, qui lui gruge beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, lui, au départ, TVA Sport, c'était pour se donner des arguments pour dire. Ça va nous amener une équipe professionnelle parce que, tu sais, comme moi, la rentabilité de TVA Sport passait par une équipe de la Ligue nationale à Québec avec les droits de TV. Ouais. Maintenant, tu sais, c'est pas dans l'air. Et deux, c'est Québec, là, c'est un marché, oui. Est-ce qu'on est capable, pendant 20 ans de temps, écoute, il y avait 20 millions de masse salariale dans le temps. Aujourd'hui, on parle de 75-80 millions. C'est quatre fois plus. Est-ce que les gens ont quatre fois plus d'argent dans leur poche que dans le temps? Je suis loin d'être sûr. Donc, mais... c'est pas si évident que ça. Là. Ottawa, quand même, c'est un marché intéressant. Puis il y a quand même de l'argent. Puis, tu vois, on a misère à faire vivre les équipes de la Ligue nationale. Oui, oui. C'est pas juste ça, Phil. Québec, ça peut pas être beaucoup mieux, là. Je suis à peu près certain que ça serait mieux que l'Arizona, que la Floride, la Caroline, et ainsi de suite. Mais il y a ça. Où est l'association des joueurs aussi? Personne ne pose la question. L'association des joueurs, c'est de voir des estrades vides. OK, c'est pas la première source de revenus, j'en conviens. Mais l'association des joueurs, me semble qu'ils sont très doux dans ce dossier-là aussi. Ben, l'association des joueurs, les gars, ils ramassent le paye. Ouais, mais plus. Puis le plafond salarial monte à chaque année. Ouais. Ouais, c'est ça le problème, là. Est-ce qu'il y a des propriétaires qui menacent de vendre? Il n'y en a pas. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui veulent déménager? Il n'y en a pas bien. Non. Est-ce qu'il y en a qui se plaignent sur la place publique? Non. Les propriétaires sont plus riches qu'ils étaient avant. Les franchises continuent d'augmenter au niveau de la valeur. Donc, qu'est-ce que tu veux que l'association des joueurs fasse là-dedans? Honnêtement, ce qu'ils doivent faire, c'est d'essayer de se négocier toujours les meilleures conditions possibles. Les masses salariales ne baissent jamais. Donc, je pense pas qu'il y a des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui vont se plaindre de la situation au moment où on se parle. Ouais. Phil, on s'en parle vendredi prochain. Merci. Comment, Phil?